Chapitre 12e. L'archiduc, soucieux, préoccupé, se promenait de long en large dans son cabinet, pendant que le secrétaire de ses commandements lui analysait, à mesure qu'il les décachetait, les lettres reçues dans la journée. « Cette dépêche, monseigneur, poursuivit le secrétaire, est relative au colonel Pernetti, exilé en Angleterre avec sa famille. L'on croit devoir prévenir votre Altesse de se tenir en garde contre les démarches et les prières des amis du colonel Pernetti. Je n'avais pas besoin de cette recommandation. Les principes républicains de cet homme sont trop dangereux pour qu'à aucun prix j'écoute qui que ce soit en sa faveur. Poursuivez. » Son éminence, l'envoyé plénipotentiaire de la République mexicaine, demande la grâce de présenter une de ses compatriotes à votre Altesse. Il s'agit d'un intérêt très urgent et l'on solliciterait des bontés de votre Altesse une audience pour demain. La liste d'audience est-elle bien chargée pour demain? Non, monseigneur. Écrivez que je recevrai demain à 2 heures, monsieur l'envoyé du Mexique et sa compatriote. Le secrétaire écrivit. Au bout d'un instant, l'archiduc lui dit « Est-ce que dans cette lettre il n'est pas fait mention du nom de la personne qui désire m'être présentée ?»« Non, monseigneur. Cela est contraire à tous les usages. Je n'accorde pas l'audience. » Le secrétaire mit de côté la lettre qu'il venait de commencer d'écrire et prit une autre feuille de papier. Cependant, le prince, se ravisant après réflexion, ajouta « J'accorde l'audience. » Le secrétaire inclina la lettre et, prenant une autre lettre, il se leva et la présenta au prince, sans la décacheter, en lui disant « Il y a sur l'enveloppe confidentielle et particulière, monseigneur. » L'archiduc prit la lettre, la lut. Elle était de M. Pascal et conçue en ces termes familiers. « Après mûre réflexion, monseigneur, au lieu d'attendre à jeudi, je vous verrai demain, sur les 3 heures. Il dépendra de vous absolument que notre affaire soit conclue et signée séance tenante. Votre tout dévoué, Pascal. » Un moment de vive espérance, bientôt tempéré par le ressouvenir des étrangetés du caractère de M. Pascal, avait fait tressaillir le prince qui reprit froidement « Vous inscrirez M. Pascal sur le livre d'audience pour demain 3 heures. » Un aide-de-camp s'étant présenté, demanda si le prince pouvait recevoir M. le comte Franz de Deneuilberg. « Certainement, » dit l'archiduc. Et après avoir encore travaillé quelques moments avec son secrétaire des commandements, il donna l'ordre d'introduire Franz. Franz se présenta en rougissant devant le prince, son parrain, car Franz était d'une timidité excessive et d'une candeur dont rirait fort Norouet de 20 ans. Élevé par un pasteur protestant, au fond d'un village d'Allemagne dépendant d'un des nombreux apanages de l'archiduc, le filleul de l'Altesse royale n'avait quitté cette solitude austère que pour entrer à 16 ans dans une école militaire destinée aux gardes nobles et tenue avec une rigueur puritaine. De là, Franz, par ordre du prince, était allé servir dans l'armée russe comme volontaire lors des guerres du Caucase. La rude discipline des camps, la sévérité de mœurs du vieux général auprès duquel il avait été envoyé et particulièrement recommandé par son royal parrain, l'ordre d'idées sérieuses ou tristes qu'éveille dans certaines âmes vaillantes, mais tendres et mélancoliques, la vue des champs de bataille durant une guerre acharnée, sans merci ni pitié, l'habituelle gravité de pensée que donne à ces mêmes âmes, sinon l'attente, du moins la possibilité d'une mort froidement bravée chaque jour au milieu des plus grands périls, le mystère de sa naissance, auquel se joignait la pénible certitude de devoir à jamais ignorer la douceur des caresses d'une mère ou d'un père. Tout, enfin, avait jusqu'alors concouru à tenir Franz dans un milieu de circonstances et de réflexions peu faites pour modifier la réserve craintive de son caractère et l'ingénuité de son cœur sincère et bon comme celui d'un enfant. Chez Franz, ainsi que chez tant d'autres, le courage héroïque se conciliait d'ailleurs parfaitement avec une extrême et invincible timidité dans les relations ordinaires de la vie. Du reste, soit prudence, soit calcul, pendant les 6 mois que Franz passait en Allemagne à son retour de la guerre, le prince tint son filleul éloigné de la cour. Cette détermination s'accordait à merveille avec les goûts simples et studieux du jeune homme, car il n'avait jamais rêvé le bonheur que dans les loisirs occupés d'une vie obscure et tranquille. Quant aux sentiments qu'il éprouvait pour le prince, son parrain, ils étaient pleins de reconnaissance, de soumission et du plus respectueux attachement, mais contenu dans leur expression timide par l'imposant prestige du rang presque souverain de ce royal protecteur. L'embarras de Franz était tel, lorsqu'après le départ du secrétaire il se présenta chez son parrain, que d'abord il resta muet, immobile et les yeux baissés. Heureusement, à la vue du jeune homme, le prince parut oublier ses pénibles préoccupations. Sa froide et hautaine physionomie s'attendrit, son front s'éclaircit, un sourire tendre dérida ses lèvres et, s'adressant affectueusement à Franz, « Bonjour, mon enfant !» Et prenant la tête blonde du jeune homme entre ses deux mains, il le baisa tendrement au front, puis il ajouta, comme s'il eût senti le besoin d'épancher à demi son cœur, « Je suis content de te voir, Franz. J'étais ce matin accablé d'affaires, de tristes affaires. Tiens, donne-moi le bras. Allons faire ensemble un tour au jardin. » Franz ouvrit une des portes vitrées qui donnait sur un perron en face de la pelouse, et le parrain, ainsi que son filleul, se dirigèrent bras dessous vers l'allée ombreuse dans laquelle le jeune homme s'était longtemps promené le matin. « Mais qu'as-tu, mon enfant ?» dit bientôt le prince, remarquant l'embarras du jeune homme. « Monseigneur, répondit Franz, dont le trouble augmentait, j'ai une confidence à faire à votre Altesse royale. »« Une confidence ? » reprit le prince en souriant. « Voyons la confidence de monsieur Franz. »« Une confidence grave, monsieur. » « Voyons cette grave confidence. »« Monseigneur, je n'ai pas de parents. Votre Altesse royale a daigné jusqu'ici me tenir lieu de famille. »« Et tu as dignement répondu à mes soins, à toutes mes espérances, mon cher Franz. Tu les as même dépassées. Modeste, studieux, plein de courage, il y a 3 ans, quoique bien jeune encore, tu as combattu avec autant d'intelligence que d'intrépidité dans cette terrible guerre où je t'avais envoyé faire tes premières armes. » Tu as reçu là le baptême de feu, ta première blessure, mon pauvre enfant. Je ne veux pas parler d'un duel que je dois ignorer, mais dans lequel tu as encore, je le sais, fait preuve d'autant de bravoure que de générosité. Monseigneur, je t'en prie, laisse-moi en ce moment me rappeler tous tes titres à ma tendresse. Cela me fait du bien. Cela me fait oublier d'amers ennuis dont tu es la cause innocente et involontaire. Moi, monseigneur, toi. Car si tu continues à me combler de satisfaction, tu ne peux prévoir l'avenir que ma tendre ambition te prépare, la position inespérée qui peut-être t'attend. Vous savez, monseigneur, la simplicité de mes goûts et... Mon cher Franz, cette modestie, cette simplicité sont des vertus dans de certaines conditions, tandis que dans d'autres circonstances, ces vertus deviennent faiblesse et inertie. Mais nous voilà loin de ta confidence, voyons. Qu'as-tu à me dire, monseigneur ? Allons, parle. Est-ce que je te fais peur ? Est-ce qu'il y a dans ton cœur une seule pensée que tu ne puisses avouer le front haut, le regard assuré ? Non, monseigneur. Aussi je dirai sans détour à votre Altesse royale que je désire me marier. La foudre fut tombée aux pieds du prince, qu'il n'aurait pas été plus étourdi qu'il ne le fut à ces paroles de Franz. Il dégagea brusquement son bras de celui du jeune homme, se recula de 2 pas et s'écria « Vous mariez, Franz ?»« Oui, monseigneur. »« Mais vous êtes fou, monseigneur. »« Vous mariez, à 20 ans à peine, vous mariez. »« Quand je songe pour vous à... » Puis, le prince, s'interrompant et redevenant calme et froid par réflexion, ajouta « Et avec qui voulez-vous vous marier, Franz ?»« Avec mademoiselle Antonine Hubert, monseigneur. »« Qu'est-ce que c'est que mademoiselle Hubert ?» Son nom, comment le dites-vous ? Hubert, monseigneur. Qu'est-ce que cette mademoiselle Hubert ? La nièce d'un magistrat français, monseigneur, monsieur le président Hubert. Et où avez-vous connu cette demoiselle ? Ici, monseigneur. Ici ? Je n'ai jamais reçu personne de ce nom. Quand je dis ici, monseigneur, je veux dire dans cette allée où nous sommes. Parlez plus clairement. Votre Altesse royale voit ce mur d'appui qui sépare ce jardin voisin. Ensuite ? Je me promenais dans cette allée, monseigneur, lorsque pour la première fois j'ai aperçu mademoiselle Antonine. Dans ce jardin ? Reprit le prince en s'avançant jusqu'au mur et après y avoir jeté un coup d'œil. Puis il ajouta : Cette demoiselle demeure donc dans la maison voisine ? Oui, monseigneur. Son oncle occupe une partie du rez-de-chaussée. Fort bien. Après quelques moments de réflexion, le prince ajouta sévèrement : Vous m'avez offert vos confidences, j'accepte. Mais faites-les-moi avec franchise, avec la plus entière sincérité, ou sinon... Monseigneur, dit Franz avec un accent de surprise pénible. « Soit, j'ai eu tort, Franz, de suspecter votre loyauté. De votre vie, vous ne m'avez menti. Parlez, je vous écoute. » « Votre Altesse royale sait que, depuis notre arrivée à Paris, je suis très rarement sorti le soir. »« Il est vrai. Je connaissais votre peu de goût pour le monde, votre excessive timidité, qu'augmentait encore l'appréhension de paraître dans ces salons français si redoutés, où vous deviez être doublement étranger. Je n'ai pas voulu insister auprès de vous, Franz, et je vous ai laissé seul ici disposer de presque toutes vos soirées. » « C'est pendant une de ces soirées, monseigneur, qu'il y a 6 semaines, j'ai vu pour la première fois mademoiselle Antonine dans le jardin voisin. Elle arrosait des fleurs. J'étais accoudé là, sur ce mur d'appui. Elle m'a vu, je l'ai salué. Elle m'a rendu mon salut en rougissant et a continué d'arroser ses fleurs. Deux autres fois encore, elle a levé les yeux de mon côté. Nous nous sommes de nouveau salués. Puis, la nuit venant tout à fait, mademoiselle Antonine a quitté le jardin. » Il est impossible de rendre la grâce ingénue avec laquelle le pauvre Franz fit ce naïf récit de sa première entrevue avec la jeune fille. L'émotion de sa voix, la rougeur de son front, montraient toute la candeur de cette âme innocente et pure. « Une question, Franz, dit le prince. Cette demoiselle a-t-elle sa mère ?»« Non, monseigneur. Mademoiselle Antonine a perdu sa mère au berceau et son père est mort il y a bien des années. » « Son oncle, monsieur le président Hubert, est-il marié ?»« Non, monseigneur. »« Et quel âge a-t-elle ? » ?»« 15 ans et demi, monseigneur. » »« Et elle est jolie ?»« Antonine, monseigneur !» Dans cette exclamation de Franz, il y a presque un reproche, comme s'il était permis d'ignorer la beauté de mademoiselle Antonine. « Je vous demande, Franz, répéta l'archiduc, si cette jeune fille est jolie. » « Monseigneur se rappelle l'ébé endormi qu'il a dans la galerie de son palais d'Offenbach. »« Un de mes plus beaux Corrège. » »« Monseigneur, mademoiselle Antonine ressemble à ce tableau du Corrège, quoiqu'elle soit plus belle encore. »« C'est difficile. » »« Monseigneur sait que je dis toujours la vérité, » répondit Franz ingénument. « Continuez votre récit. » »« Je ne saurais vous dire, monseigneur, ce que j'ai ressenti lorsque, revenu chez moi, j'ai songé à mademoiselle Antonine. » J'étais à la fois agité, inquiet et heureux. Je n'ai pas dormi de la nuit. La lune s'est levée, j'ai ouvert ma fenêtre, et je suis resté à mon balcon jusqu'au jour à regarder le faîte des arbres du jardin de mademoiselle Antonine. Oh, monseigneur, combien la journée du lendemain m'a paru longue! Bien avant le coucher du soleil, j'étais là, près du mur. Enfin, mademoiselle Antonine est venue arroser ses fleurs. À chaque instant, croyant qu'elle m'avait déjà perçu, je m'apprêtais à la saluer. Mais je ne sais comment cela se fit, elle ne me vit pas. Pourtant, elle venait arroser tout près du mur où je me trouvais. J'avais bien envie de tousser légèrement pour lui faire remarquer ma présence, mais je n'ai pas osé. La nuit venait, j'avais le cœur navré, monseigneur. Mademoiselle Antonine continuait de ne pas me voir. Enfin, elle regagna sa maison, après avoir déposé son petit arrosoir près de la fontaine. Heureusement, le trouvant mal placé là sans doute, elle revint et la porta sur un banc près de son mur. Tournant alors par hasard les yeux vers moi, elle m'aperçut enfin. Nous nous sommes salués tous les deux en même temps, monseigneur, et elle est rentrée vite chez elle. Je cueillis alors quelques belles roses, et tâchant d'être adroit, quoique le cœur me battît fort, j'eus le bonheur de laisser tomber le bouquet juste dans l'ouverture de l'arrosoir que mademoiselle Antonine avait laissé là. De retour chez moi, je tremblais en songeant à ce que cette demoiselle penserait en trouvant ses fleurs. J'étais si inquiet que j'eus envie de redescendre et de sauter par-dessus le petit mur pour aller retirer le bouquet. Je ne sais quoi me retint. J'espérais que mademoiselle Antonine ne se formaliserait peut-être pas. Quelle nuit je passais, monseigneur. Le lendemain, je cours au mur. L'arrosoir et le bouquet étaient toujours sur le banc. Mais j'attendis en vain mademoiselle Antonine. Elle ne vint pas, ce soir-là, ni le lendemain, soigner ses fleurs. Ma tristesse et mes angoisses pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, monseigneur, je ne saurais vous les peindre. Et vous auriez deviné mon chagrin si, à cette époque, vous n'étiez parti. Pour le voyage de la cour à Fontainebleau, sans doute. « Oui, monseigneur. Mais, pardonnez-moi, j'abuse peut-être de la patience de votre Altesse royale. » Non, non, Franz, continuez. Je tiens, au contraire, à tout savoir. Continuez, je vous prie, votre récit avec la même sincérité. »